السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. On est toujours dans la série des cours sur l'explication de Justa Barak. Et nous sommes toujours dans la noble sourate Al-Ma'arij. Le cours d'aujourd'hui va porter, Inch'Allah ta'ala, sur la fin, sur l'explication de la fin de cette noble sourate, de cette immense sourate qui est sourate Al-Ma'arij. Donc ces nobles versets sont les derniers versets de sourate Al-Ma'arij. يقول الله سبحانه وتعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون. الله سبحانه وتعالى il dit dans ces versets, en blâmant et en désapprouvant et en réprimandant les mécréants pour leur mécréance envers le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que leur mécréance envers le noble Coran, malgré que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam désire ardemment leur guider et leur salut de l'enfer, car il est venu à eux pour cela, pour leur bien et pour leur salut. Mais malgré cela, ils n'ont pas accepté. Allah subhanahu wa ta'ala les a réprimandés. Il dit « فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبْلَكَ مُهْتِعِينَ » Qu'ont donc ceux qui ont mécru à courir vers toi le cou tendu ? Ici, c'est une interrogation pour les blâmer. Qu'ont donc ces mécréants, ô Muhammad ? Quelle chose les a empêchés de te suivre et d'obéir ? Quelle chose les a empêchés, à part l'orgueil et l'obstination ? Qu'ont donc ceux qui ont mécru à se rassembler autour de toi, le cou tendu, c'est-à-dire fuyant l'écoute de ceux avec quoi tu es venu ? Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans les derniers versets de sourate Al-Muddathir, Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Farrat min » فما لهم عن التذكرة Naam, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, qu'ont-ils à se détourner du rappel? Ils sont comme des onagres épouvantés, s'enfuyant devant un lion. Chacun d'eux voudrait plutôt qu'on lui apporte des feuilles tout étalées. Il a été dit aussi dans l'explication de Muhti'in, c'est-à-dire qu'ils écoutent le Coran, mais ils ne le méditent pas et ne le pratiquent pas. Car ils ne veulent pas cela, ils ne le désirent pas. Ils écoutent seulement en se moquant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et du Coran. Ils se rassemblaient autour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en écoutant sa parole, en écoutant le Coran, mais dans le but de le démentir et de se moquer de lui. Qu'ont donc cela à te regarder et à s'asseoir autour de toi alors que cela ne leur profite en rien? Ce qu'ils écoutent ne leur profite pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, « Anil yamini wa anish shimali izin » de droite et de gauche, par bande, par groupe. C'est-à-dire à ta droite et à ta gauche, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dû à l'intensité de la fuite, ils sont autour de toi divisés en groupes, chacun se dirigeant vers une direction, en se détournant de toi et du livre d'Allah. Cela n'est dû qu'à leur orgueil et leur désir de désobéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, malgré que son obéissance et son suivi est un bien pour eux, chaque groupe exultant de ce qu'elle détient. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, أَيَطْمَعُ كُلُّ مْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ. Chacun d'eux convoite-t-il qu'on le laisse entrer au jardin des délices? C'est-à-dire, malgré qu'ils se sont détournés et malgré leur mécréance et leur reniement, ils convoitent l'entrée du paradis. Ils prétendent qu'ils rentreront au paradis avec leurs mauvaises œuvres. Ils ont convoité cela sans suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et cela prouve, barakallahu fikum, dans ce verset, cela prouve que toute personne qui convoite, qui désire l'entrée au paradis, mais sans suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, certes il ne rentrera pas au paradis. À titre d'exemple, les soufis extrémistes. Parmi les soufis, il y en a qui prétendent ne pas avoir besoin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wal'ayyadu billah, et qu'ils rentreront au paradis sans suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que ce sont seulement les gens de la masse qui en ont besoin. Nous, on n'en a pas besoin, ils disent. Et subhanallah, cela ressemble à la situation des mécréants qui convoitent l'entrée au jardin des délices, le paradis, mais sans suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quelle cause leur permet de convoiter le paradis alors qu'ils n'ont rien avancé, si ce n'est la mécréance et le reniement du Seigneur de l'univers? Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite dans le verset suivant, en niant et en annulant cette convoitise, Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Mais non, nous les avons créés de ce qu'ils savent. Mais non, l'affaire n'est pas comme ils souhaitent, comme ils le convoitent avec toute leur force, mais bien au contraire, ils ne rentreront pas au paradis, alors qu'ils sont sur cet état. Et cela prouve que celui qui meurt sur la mécréance, wal'iyadu billah, pas de convoitise pour lui, pas d'espérance pour lui qu'il rentrera au paradis, mais plutôt sa destination est le feu ardent de l'enfer éternellement. Qu'Allah nous en préserve. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Nous les avons créés de ce qu'ils savent. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés d'une eau vile. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Mursalat, verset 20, Alam nakhluqkum mimma immahin. Ne vous avons-nous pas créés d'une eau vile? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat At-Tariq, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْدَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ السُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau sortie d'entre les lombes et les côtes. Fin des versets. Comment peuvent-ils s'enorgueillir dans l'obéissance au messager, alors qu'ils ne possèdent la faculté pour eux-mêmes de faire ni le mal ni le bien, ni la mort, ni la vie et ni la résurrection. Et il a été dit aussi dans l'explication de ce verset, qu'Allah vous préserve, le verset, c'est-à-dire « Inna khalaqnahum mimma ya'lamun » c'est-à-dire « Nous les avons créés de ce qu'ils savent » ici c'est une réfutation à celui qui a nié la résurrection, qui a démenti la résurrection. Et les associateurs et les mécréants ont démenti et nié la résurrection. Ils n'ont pas regardé le début de la création. Car Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. C'est lui qui les a créés d'une eau vile. Donc celui qui les a créés d'une eau vile est capable de les faire revenir, de les ressusciter à plus forte raison. Allah subhanahu wa ta'ala il dit « وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » Et c'est lui qui commence la création puis la refait. Et cela lui est plus facile. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Fin du verset. Mais plutôt celui qui a créé les cieux et la terre, n'est-il pas capable de créer cet être humain et de le ressusciter? Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite, en jurant, فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ Et non, je jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables. Ceci est un serment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il jure par lui-même, c'est-à-dire par le Seigneur des levants et des couchants, en ce qu'elles contiennent comme preuve évidente, comme le soleil, la lune et les planètes qui prouvent la puissance et la grandeur d'Allah Azza wa Jal, ces signes qui prouvent la résurrection. Et le sens du verset est que l'affaire n'est pas comme vous prétendez, ô vous les associateurs, les mécréants. Ce n'est pas comme vous prétendez qu'il n'y a pas de résurrection et ni de compte, mais bien au contraire. Tout cela va bien arriver inéluctablement. Et Allah mentionne ce pourquoi il jure dans le même verset. فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ Nous sommes, que nous sommes certes capables, car Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Et ceci est une réfutation de leurs fausses prétentions dans la négation du jour du jugement. Alors qu'ils ont pu observer le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, la grandeur, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les signes évidents, comme la création des cieux et de la terre. Et ce qu'il a assujetti parmi toutes les créatures et tout ce qui est présent. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans d'autres versets La khalqu as-samawati wal ardi akbaru min khalqi an-nas walakin akthar an-nas la ya'lamun. La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens, mais la plupart des gens ne savent pas. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Ne voit-il pas qu'Allah qui a créé les cieux et la terre et qui n'a pas été fatigué par leur création est capable en vérité de redonner la vie aux morts? Mais si, il est certes omnipotent. Fin du verset. Donc celui qui est capable de créer les cieux et la terre, subhanallah, n'est-il pas capable de faire revivre les morts? À plus forte raison, na'am. Oui. Comme il est capable de remplacer d'autres créatures à celles qu'il a créées. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُقِينَ De les remplacer par de meilleurs qu'eux, et nul ne peut nous empêcher. c'est-à-dire les anéantir et de les remplacer de un par de meilleurs qu'eux, il a été dit dans l'explication, c'est-à-dire de les anéantir et de venir avec un autre peuple meilleur qu'eux, un peuple qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne lui désobéit pas. Et ceci est une des explications de ce verset. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Waqi'a, versets 60 et 61, نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. Nous avons prédéterminé la mort parmi vous. Nous ne serons point empêchés de vous remplacer par vos semblables et vous faire renaître dans un état que vous ne savez pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset dans sourate Muhammad, verset 38, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ. Et si vous vous détournez, il vous remplacera par un peuple autre que vous et ils ne seront pas comme vous. Fin du verset. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit dans ce verset, عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ, de les remplacer par de meilleurs qu'eux. Ça, c'était la première explication. La deuxième, il a été dit dans l'explication aussi, c'est-à-dire de les remplacer par de meilleurs qu'eux, c'est-à-dire le jour du jugement, nous les ressusciterons avec des meilleurs corps qu'ils possédaient dans cette dunya. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ, et nul ne peut nous empêcher. C'est-à-dire que personne n'est en mesure de nous précéder ou de nous empêcher de faire ce que nous voulons. Mais plutôt, nous les encerclons et nous les saisissons. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, en s'adressant à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُونَ. Laisse-les donc s'enfoncer dans leur mécréance et se divertir jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour dont on les menaçait. C'est-à-dire ici, فَذَرْهُمْ, ô Muhammad, tu leur as certes transmis le message et tu leur as établi la preuve. Tu ne possèdes pas leur guidée, car certes la guidée vient seulement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne t'a été commandé que de transmettre, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, إِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ. S'ils se détournent, nous ne t'avons pas envoyé pour assurer leur sauvegarde, tu n'es chargé que de transmettre le message. Fin du verset. Et cela quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque. Car lorsqu'il était à la Mecque, Allah subhanahu wa ta'ala l'a chargé seulement de transmettre le message. Mais lorsqu'il a immigré à Médine, et qu'il a trouvé là-bas les musulmans, les Ansar, c'est-à-dire les habitants de Médine, hein, il y avait la force, Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là lui a ordonné de les combattre. C'est-à-dire après l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a été commandé de faire le djihad. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُونَ. Laisse-les donc s'enfoncer dans leur mécréance, c'est-à-dire, et se divertir. C'est-à-dire, laisse-les patauger et se divertir avec leurs fausses paroles et leurs croyances perverses. Laisse-les se moquer de leur religion en mangeant et en buvant et en jouissant de ce bas monde et en oubliant l'au-delà, jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour dont on les menaçait. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis sur la langue de ses messagers, le jour du jugement, de la résurrection, le jour où ils verront et goûteront ce qu'Allah leur a promis comme châtiment et supplice, dû à leur mécréance et à leur moquerie. Qu'Allah nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ensuite l'état, la situation des créatures lorsqu'ils rencontreront ce jour dont on les menaçait. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 43, nous sommes toujours dans le verset 43 de de sourate Al-Ma'arij, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُسُبٍ يُوفِضُونَ. Le jour où ils sortiront des tombes, rapides, comme s'ils couraient vers des pierres dressées. C'est-à-dire, يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ, c'est-à-dire le jour où ils sortiront des tombes, de leurs tombes, pour ensuite se diriger vers le rassemblement. Et personne ne pourra y échapper. Personne ne pourra se cacher ou s'enfuir ce jour-là. Personne ne restera dans sa tombe. Ils seront sortis de force rapidement. C'est-à-dire qu'ils marcheront rapidement vers le rassemblement, comme s'ils couraient vers des pierres dressées. Allah subhanahu wa ta'ala dit كَأَنَّهُمْ إِلَى سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُسُبٍ يُوفِضُونَ, comme s'il courait vers des pierres dressées. Et il a été dit dans l'explication, comme a été rapporté par Al-Mujahid wa Qatada wa Al-Dahhak, qu'Allah leur fasse miséricorde, comme a rapporté Ibn Kathir dans son tafsir. C'est-à-dire ici, le mot Nusub, c'est-à-dire vers une statue. Car les associateurs, ils se précipitaient vers leur statue. Lequel arriverait à lui, c'est-à-dire à cette statue, en premier, pour pouvoir le toucher, l'essuyer, hein, demander la bénédiction, al-iyadu billah. Ils se précipiteront vers le rassemblement le jour du jugement, comme ils se précipitaient vers leur statue, dans ce bas monde. Et il a été dit aussi dans l'explication, comme il a rapporté par Ibn Abbas, et d'autres, qu'Allah l'agré, c'est-à-dire, il est nusubin yufidun, c'est-à-dire qu'ils se précipiteront vers un étendard, vers un, ce qu'on appelle un alam en arabe. Un étendard, une bannière, hein, un drapeau, etc., un signe, un symbole. Comme s'ils se ralliaient autour de cet étendard et personne ne restera en arrière. Ils se dirigeront rapidement vers le rassemblement, le jour du jugement. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite dans le dernier verset de cette noble sourate, quel est leur état, leur situation? Allah il dit خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُعَدُونَ. Leurs yeux seront abaissés, l'avilissement les couvrira, c'est cela le jour dont on les menaçait. Donc voici leur état, leur situation lors de leur trajet vers, lorsqu'ils sortiront de leur tombe et lorsqu'ils partiront vers le rassemblement. Ils seront humiliés, ne regardant même pas en haut, le visage baissé de peur et d'humiliation. C'est-à-dire qu'ils seront couverts de honte et d'ignominie et d'avilissement, qu'Allah nous en préserve. Ils auront la frayeur de ce qu'ils vont rencontrer et ils auront de la laideur de ce qu'ils ont œuvré dans ce bas monde comme mauvaise action due à leur mécréance, à leur obstination, à leur désobéissance, à leur injustice. Leur cœur, wal'iyadu billah, sera rempli d'inquiétude et de peur. Ils ne bougeront même pas et ne parleront pas. Allah subhanahu wa ta'ala il dit al-yawmu alladhi dhalika al-yawmu alladhi kanu yu'adun, c'est cela le jour dont on les menaçait. Yawm al-qiyam, un jour terrible. Voici la fin de l'explication de cette immense sourate, sourate al-ma'arij, et ce qu'elle contient comme signe et comme verset immense. Naam. Et comme on a vu dans ce verset, elle contient aussi, comme on a pu le voir, la situation, hein, l'état de l'être humain et la description, hein, de l'être humain mauvais, ainsi que la description de l'être humain qui est bon. Et il y a aussi dans cette noble sourate, dans cette immense sourate, les merveilles, les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui médite et pour celui qui réflexionne et qui prend des leçons. Car comme vous le savez et on le répète souvent, le Coran, il a été descendu pourquoi ? Pour méditer, pour le comprendre, awalan, en premier, le méditer et le pratiquer. D'accord ? Le lire, lorsque tu lis le Coran, lorsque tu récites dans ta prière, il est important de comprendre le sens. Il est important de comprendre le sens. Et pour cela, il faut, alhamdoulilah, étudier l'explication du Coran. Naam. Donc, barakallahu fikum, wa jazakum khayran. On va se suffire de cela, inshallah ta'ala, aujourd'hui. Et on continuera la semaine prochaine. On commencera, inshallah ta'ala, le début de surat Nuh. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته